Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est certainement ce que se sont dit les astrophysiciens exploitant le télescope spatial NuSTAR, spécialisé dans la détection des rayons X. Ce truc s'avère être un pulsar, mais extrêmement puissant, pour ne pas dire extrêmement extrême. C'est bien une étoile à neutrons en rotation, qui pulse des rayonnements, mais elle produit autant d'énergie qu'un très gros trou noir, autant d'énergie que 10 millions de soleils. Excusez du peu. Bon, reprenons. Nous avons déjà parlé ici des ULX, Ultra Luminous X-Ray Sources. Jusqu'à présent, on pensait que ces sources de rayons X très lumineuses étaient propulsées par des trous noirs. Eh bien, ce que montrent Matteo Bacchetti et ses collègues dans l'étude qu'ils publient cette semaine dans le journal Nature est qu'il n'en est rien. Il peut s'agir de simples pulsars, comme celui qu'ils ont pu observer dans la galaxie M82 située à 12 millions d'années-lumière. Les ULX sont dus à des objets denses accrétant de la matière d'un compagnon. Le fait qu'une étoile à neutrons produise une accrétion similaire à celle d'un trou noir est vraiment nouveau, d'autant que les ULX étaient suspectés être le fruit de trous noirs plutôt gros, du type de taille intermédiaire entre trous noirs stellaires et trous noirs supermassifs. C'est par hasard que l'équipe internationale d'astronomes a mis le doigt sur cette source nommée M82X2. Ils étaient en train d'observer une supernova récente quand ils ont détecté une pulsation dans l'ULX M82X2. Mais les trous noirs ne montrent pas de pulsation. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils s'y sont donc penchés de plus près et ont alors démontré la nature de pulsar derrière cette source ultra-lumineuse, grâce à des observations complémentaires effectuées avec les télescopes spatiaux Chandra X-ray Observatory et SWIFT. La période de pulsation mesurée par NuSTAR est de 1,37 secondes. C'est un pulsar plutôt lent. L'énergie émise, équivalente à 10 millions de soleils, est, elle, 100 fois plus grande que la limite théorique pour ce type d'objet. Pas mal pour un objet de la masse du soleil et grand comme une petite montagne. C'est clair, on ne comprend pas encore comment une telle émission d'énergie est possible. Les auteurs de l'étude proposent un mécanisme d'accrétion classique, mais avec un taux absolument énorme, 10 fois plus grand que le maximum connu à ce jour, comme si l'étoile à neutrons est en train d'arracher toute la matière de son étoile compagne et la transforme instantanément en rayonnement via échauffement dans son disque d'accrétion avec une efficacité hors du commun. Il se pourrait maintenant que M82X2 ne soit pas la seule ULX à pulser et donc à cacher un pulsar monstrueux. L'équipe de Matteo Bacchetti annonce dès maintenant qu'elle va étudier d'autres ULX, à nouveau avec le trio gagnant de télescopes spatiaux NuSTAR, Chandra et SWIFT. Cette petite découverte peut en tout cas mener à d'importantes conséquences, car elle remet en cause la physique de l'accrétion et remet les théoriciens devant leur tableau. Elle peut également participer à la compréhension du phénomène de grossissement rapide des trous noirs dans l'univers jeune. L'article de Matteo Bacchetti et ses collègues est paru dans Nature cette semaine, c'est-à-dire le numéro du 9 octobre, et s'intitule « An ultra-luminous X-ray source powered by an accreting neutron star », tout simplement.